Les éditions de l'Avenir présentent « Il danse », un texte de Christian Martin, paru à l'origine en Belgique, dans le numéro 42 de Octa, et lu par Christian Martin. Aujourd'hui, ils dansent, les grands êtres. Flagellés, ils dansent sous les coups. Empoignés, bousculés, ils dansent sous les poussées. Leurs pieds ensevelis, ils se balancent sous des vagues de souffrance. Frôlant toujours la perte d'équilibre, ils se maintiennent par la crainte. Ils préfèrent plier plutôt que de casser. Telle est la loi. Prisonniers du dôme, ils dansent et se plient en silence sous les coups. Ils se lassent sans mourir. Son corps s'est amaigri. On a cassé plusieurs de ses doigts. Quelques-uns de ses bras se sont desséchés, garrottés, privés de vie. Cela dépérit sous le dôme gris. Cela ne comprend pas. Maintes fois, il s'est demandé « Pourquoi je souffre? Pourquoi ces tortures? » Mais nulle réponse n'est venue. Non, cela ne comprend pas le pourquoi des tortures, ni leur origine. Son seul savoir, il le tient de son père-mère. Jadis, point de dôme, avait dit père-mère dans un brusquement. Jadis, la vie. Mais cela est né sous le dôme gris. Pour lui, point de dôme et la vie, ça ne correspond à rien. Cela ne connaît que le gris, les coups et les danses. Cela survit sous le dôme. Sa croissance est lente car la nourriture est rare et empoisonnée. Et toujours ces coups qui brûlent, qui marquent la peau. Et cette souffrance. Cela danse de façon désespérée dans le soir gris, levant haut les bras, appelant à l'aide à grand renfort de cygnes, versant des larmes par ses blessures. Père-mère est mort, brûlé, dans un cri d'agonie. Père-mère était le plus grand, le plus fort, le plus souffrant aussi. Mais toujours, il avait su cacher ses douleurs. Toujours. Quel grand vide parmi les grands êtres. Tous se sont joints à cela, et tous dansent haut les bras sous les coups redoublés. Cela, comme la majorité des jeunes de son âge, n'aura jamais d'enfant. Sa semence est stérile. Des poisons dans la nourriture et des flagellations en sont la cause. Cela ne veut pas d'enfants condamnés à danser sous le dôme gris. Plus d'enfants, plus de peuple. Plier pour ne pas casser. Telle est la seule loi du peuple. Mais à quoi sert-il de plier si ce n'est que pour perdurer dans la souffrance, songe-là. Un vacarme de bruissement s'élève tout autour de cela à cette pensée. Les frères-sœurs ne sont pas d'accord. Une telle pensée est blasphématoire. Elle s'élève contre la loi. Cela songe. Vous n'êtes pas fatigué de danser? Mais sa pensée se perd dans le vacarme. Il n'insiste pas. Aujourd'hui, cela ne danse pas. Il y a des jours comme ça, parfois, où on le laisse en paix. Attention! Attention! Brusent soudain les frères sœurs. Les bêtes sont là! Les bêtes? Quelles bêtes? Demande cela. Les bêtes tuceuses! Songent les aînés en frissonnant. Les bêtes tuceuses? Celles qui... Douleur! Frissonne cela. Douleur au bas-corps. Et faiblesse. Son sang. Cela perd son sang par la blessure au bas-corps. Lui qui avait déjà peine à se nourrir, voilà qu'on le prive de son sang. Chancelant sous le dôme, cela se raidit de toutes ses fibres. Ne pouvant en supporter plus, il se réfugie dans le champ. Bientôt, uni à ses frères sœurs dans le champ, il s'apaise et est apte à réintégrer son corps. La grisaille du dôme s'est encore accentuée. Les danses se font plus violentes et les morts aussi. Bientôt viendra le temps du refuge dans le champ. Cela, dans sa faiblesse, sait que pour lui ce sera un refuge permanent. Il n'aura pas la force de revenir dans son corps quand le froid se réchauffera. Ses dernières forces, il les épuise en survivance somnolente. Mais il veut partir avec les autres, pas avant. Il veut, comme son père-mère, laisser un message de courage, même s'il ne comprend pas le pourquoi de la survie. Il veut... Ça y est. Les aînés ont donné le signal. Doucement. Cela tente de se concentrer sur la mélopée afin de ralentir son glissement. Il ne sent plus son corps danser. Il n'entend plus que le chant. Père-mère! S'exclame-t-il. Ses frères, sœurs, leur ont accompagné jusqu'à l'orée, là où il n'y a pas de dôme, là où il y a la vie.